Chapitre 19. Par le pays des eaux. Les oies et les oulams traversaient le pays des eaux. Elles se répandaient en nappes croupissantes, pleines d'algues, de nymphéas, de nénuphars, de sagittaires, de lysimaques, de lentilles, de joncs et de roseaux. Elles formaient de troublantes et terribles tourbières. Elles se suivaient en lacs, en rivières, en réseaux entrecoupés par la pierre, le sable ou l'argile. Elle jaillissait du sol ou se plaignait sur la pente des collines, et quelquefois, bue par les fissures, elle se perdait au fond de contrées souterraines. Les oies savaient maintenant que Nao voulait suivre une route entre le nord et l'occident. Il lui abrégeait le voyage, il voulait le guider jusqu'à ce qu'il fût au bout des terres humides. Leurs ressources semblaient innombrables. Tantôt, ils découvraient des passages qu'aucune autre espèce d'homme n'aurait soupçonnés. Tantôt, ils construisaient des radeaux, jetaient un tronc d'arbre en travers du gouffre, reliés de rives à l'aide de lianes. Ils nageaient avec habileté, quoique lentement, pourvu qu'il n'y eût pas certaines herbes dont ils avaient une crainte superstitieuse. Leurs actes semblaient pleins d'incertitude. Souvent, ils agissaient comme des créatures qui luttent contre le sommeil ou qui sortent d'un rêve. Et cependant, ils ne se trompaient presque jamais. Il y avait abondance de vivres. Les oies connaissaient beaucoup de racines comestibles. Surtout, ils excellaient à surprendre les poissons. Ils savaient les atteindre avec le harpon, les saisir à la main, les enchevêtrer d'herbes souples, les attirer la nuit avec des torches, orienter leurs bancs vers des criques. Par les soirs, quand le feu resplendissait sur un promontoire, dans une île ou sur un rivage, ils goûtaient un bonheur doux et taciturne. Ils aimaient s'asseoir en groupe, serrés les uns contre les autres, comme si leur individualité affaiblie se retrempait dans le sentiment de la race, tandis que les oulams s'espaçaient, surtout Nao, qui pendant de longs intervalles se plaisait à la solitude. Souvent, les oies faisaient entendre une mélopée très monotone qu'ils répétaient à l'infini et qui célébrait des actes anciens dont aucun n'avait le souvenir. Elles devaient se rapporter à des générations mortes depuis longtemps. Rien de tout cela n'intéressait le fils du léopard. Il en concevait du malaise et presque de la répugnance. Mais il observait, avec une curiosité véhémente, leurs gestes de chasse, de pêche, d'orientation, de travail, particulièrement la manière dont ils se servaient du propulseur et dont ils tiraient le feu des pierres. Il s'initia vite au jeu du propulseur. Comme il inspirait aux alliés une sympathie croissante, ils ne lui cachèrent aucun secret. Il put manier leurs armes et leurs outils, apprendre comment ils les réparaient, et des propulseurs s'étant perdus, il en vit construire d'autres. D'ailleurs, la femme guide lui en donna un, dont il se servit avec autant d'adresse et beaucoup plus de force que les hommes sans épaules. Il s'attarda davantage à concevoir le mystère du feu. C'est qu'il continuait à le craindre. Il regardait de loin jaillir les étincelles. Les questions qu'il se posait demeuraient obscures et pleines de contradictions. Cependant, à chaque fois, il se rassurait davantage. Puis le langage articulé et celui des gestes vinrent à son aide, car il commença à mieux comprendre les oies. Il avait appris le sens de 10 ou 12 mots et celui d'une trentaine de signes particuliers à la race. Il soupçonna d'abord que les oies n'enfermaient pas le feu dans les pierres, mais qu'il y était naturellement. Il jaillissait avec le choc et se jetait sur les brins d'herbe sèche. Comme il était alors très faible, il ne saisissait pas tout de suite sa proie. Nao se rassura plus encore quand il vit tirer les étincelles de cailloux qui gisaient sur la terre. Dès qu'il fut certain que le secret se rapportait aux choses plus encore qu'au pouvoir des oies, ses dernières méfiances se dissipèrent. Il apprit aussi qu'il fallait deux pierres de sortes différentes, la pierre de silex et la marcassite. Et ayant lui-même fait bondir les petites flammes, il essaya d'allumer un foyer. La force et la vitesse de ses mains aidèrent à son inexpérience. Il produisait beaucoup de feu, mais pendant bien des haltes, il ne put réussir à faire brûler la plus faible feuille de gramen. Un jour, la horde s'arrêta avant le crépuscule. C'était à la pointe d'un lac aux eaux vertes, sur une terre sableuse, par un temps extraordinairement sec. On voyait dans le firmament un vol de grues. Des sarcelles fuyaient parmi les roseaux. Au loin rugissait un lion. Les oies allumèrent de grands feux. Nao, s'étant procuré des brindilles très minces et presque carbonisées, frappait ses pierres l'une contre l'autre. Il travaillait avec une passion violente. Puis les doutes le prirent. Il se dit que les oies cachaient encore un secret. Près de s'arrêter, il donna quelques coups si terribles qu'une des pierres éclata. Sa poitrine s'enfla, ses bras se raidirent. Une lueur persistait sur une des brindilles. Alors, soufflant avec prudence, il fit grandir la flamme. Elle dévora sa faible proie, elle saisit les autres herbes. Et Nao, immobile, tout haletant, les yeux terribles, connut une joie plus forte encore que lorsqu'il avait vaincu la tigresse, pris le feu au Xam, fait alliance avec le grand mammouth et abattu le chef des nains rouges. Car il sentait qu'il venait de conquérir sur les choses une puissance que n'avait possédée aucun de ses ancêtres et que personne ne pourrait plus tuer le feu chez les hommes de sa race.